Don Bosco, Douiman. Bonsoir et merci d'être avec nous. Voici les grands titres de ce journal. Une rafle policière a eu lieu ce matin au centre-ville de Bujumbura. La police anti-émeute ciblait des jeunes, des mendiants et des commerçants ambulants et des hommes qui étaient dans différents endroits. Reporters sans frontières demande au président de la République d'user de ses pouvoirs pour que le journaliste Jean-Vigilimana soit retrouvé. Alors que les recherches se concentrent sur les corps sans vie retrouvés et repêchés ce jeudi de la rivière Mubarazi en province Moranvia, non loin de l'endroit où notre confrère a été enlevé selon des sources concordantes. Le deuxième vice-président de la République n'a pas donné de réponse concrète aux parlementaires sur la question de la réouverture des médias fermés depuis plus d'une année. Joseph Boutolet présentait hier les réalisations des ministères de son ressort pour le premier semestre 2016. C'était à Kigobe devant les deux chambres du Parlement réunies. Et les sénateurs burundais demandent la destitution de certains élus siégeant à l'Assemblée de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est. Ils estiment que ces députés ne représentent plus les intérêts de leur pays au sein de l'EALA. Cette requête est consécutive à la résolution de ce Parlement condamnant la mort des députés Hafsa Mossi et faisant état de la violation grave des droits de l'homme au Burundi. Et dans la chronique environnement, un expert nous donnera des éclairages sur le phénomène climatique appelé La Nina, qui notamment ne peut pas perturber la période d'été en cours maintenant au Burundi. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. La police anti-émeute a procédé à plusieurs arrestations ce vendredi. Les personnes arrêtées étaient composées de jeunes et des hommes qui étaient dans différents coins du centre-ville de Bujumbura. Les commerçants ambulants ont été aussi parmi les personnes arrêtées. Les précisions de Marie-Ange Nzeiman. Trois catégories de personnes ont été visées par la police anti-émeute dans les arrestations opérées par cette dernière dans les différents coins de la mairie de Bujumbura. La première catégorie était composée de jeunes et d'hommes qui, soit étaient de passage dans les rues, ou soit qui étaient en groupe. La deuxième catégorie était constituée de commerçants ambulants et la troisième faite par des vendeurs de cartes de recharge. Le cas dont la radio Isanganiro a été témoin concerne les gens qui ont été arrêtés sur le boulevard de Luprona, près ou en face du magasin appelé T2000. Des jeunes ou des hommes se sont vus arrêtés par les éléments de la police anti-émeute et embarqués dans des véhicules de cette même police. Des commerçants ambulants qui étaient en train de vendre aux environs du dit magasin se sont également vus embarquer avec leurs produits. Il y en a ceux qui ont échappé en jetant par terre leurs articles pour s'enfuir. La police récupérait ces articles et continuait son travail. Les vendeurs des cartes de recharge ont été aussi arrêtés et embarqués avec leur capital. Et dans l'après-midi de ce vendredi, certains qui avaient échappé à cette arrestation ne portaient pas de gilet qui indique le métier qu'ils font de peur d'être poursuivis. Merci Marie-Ange Nzeimana. Précisons que nous n'avons pas pu avoir la réaction du porte-parole de la police, Pierre Ngurikiye, pour qu'il nous dise l'objectif de cette rafle. Reporters sans frontières dit être inquiété par la disparition du journaliste Jean-Vigilimana du groupe de Pressi Ouattou et Info Grand Lac. Cela ressort d'un communiqué sorti ce jeudi par cette organisation de défense des droits des journalistes. Après les enquêtes qui ont été faites par le groupe de Pressi Ouattou, cette organisation demande que le chef de l'État, Pierre Nkurunziza, use de ses pouvoirs pour que le journaliste soit retrouvé. Compte rendu de lecture de ce communiqué avec Alida Ndaïkeza. Dans ce communiqué, Reporters sans frontières indique que depuis la disparition en date du 22 juillet, Jean-Vigilimana du groupe de Pressi Ouattou et Info Grand Lac, beaucoup d'informations ont circulé faisant état de la détention de ce journaliste dans les bureaux du Service national des renseignements. Mais cette organisation dit qu'il a gardé des doutes puisqu'il n'y a pas eu de preuve de vie de la part des autorités burundaises et cette information semble être de plus en plus improbable. Leur inquiétude s'est amplifiée après que deux corps sans vie ont été repêchés ce jeudi dans la rivière de Mubarazi, ajoute la RSF, même s'il n'est pas encore connu que le journaliste fait partie de ces cadavres. Dans son même communiqué, cette organisation de défense des droits des journalistes déplore qu'aucune délégation du Bureau des droits de l'homme des Nations Unies ne se soit encore rendue sur terrain à Muramvya. Reporters sans frontières lance un appel au président de la République, Pierre Nkurunziza, d'user de ses pouvoirs pour que ce journaliste soit retrouvé. Merci Alida, stagiaire à notre station. On rappelle ici que le groupe de Pressi Ouattou, la police de Muramvya, l'administration à Muramvya ainsi que des agents de la Croix-Rouge concentrent leurs recherches sur les deux corps sans vie qui flottaient sur la rivière Mobarazi et qui ont été repêchés ce jeudi. Un des corps repêchés n'a pas de tête. Le deuxième corps portait encore un bandeau sur la tête. Ils ont été mis à la morgue, mais l'on ne peut pas les identifier selon certaines sources. Le journaliste Jean Bigirimana aurait été enlevé dans les environs de Mobarazi, mais rien n'indique jusqu'ici que parmi ces corps, il y aurait celui du journaliste du groupe de Pressiwatcho et collaborateur de Info Grand Lac. Il a disparu depuis le 22 juillet dernier à Bugarama, dans la province de Mouramvia. Et puisqu'on parle de journalistes, la question de la réouverture des médias fermés l'année passée au Burundi a été parmi celles posées ce jeudi au deuxième vice-président de la République par les parlementaires. Dr Joseph Boutoré venait de faire la présentation semestrielle des réalisations de 12 ministères de son ressort. Il leur a dit qu'il n'avait pas de réponse claire à cette question. Célestin Blaise, Niokugayo, était là pour nous. Le deuxième vice-président de la République était ce jeudi à l'hémicycle de Kigobe pour présenter les réalisations semestrielles devant les députés et les sénateurs. Parmi les questions lui posées par les représentants du peuple figure celle de la réouverture des médias fermés. Roissa Agaton. J'aimerais vous demander, il y a une mesure prise après le problème survenu l'année passée et des médias ont été fermés. Vous avez dit que des dossiers médias ont été réouverts. Quant à la réouverture des autres, ou qu'est-ce qui manque pour qu'ils fonctionnent encore? Cette même question a été posée par le député Edouard Ndouimane. Je termine sur la question en rapport avec les médias en disant merci pour les radios réouvertes. Quant à la réouverture des autres, puisque réellement la communication est importante au monde en informant la population sur ce qui se passe, mais aussi sur la sensibilisation à la santé publique ou au développement et d'autres domaines. Mais ces mêmes médias peuvent être un obstacle sur le bien-être et la cohabitation des gens. À cette question, le deuxième vice-président, Dr Joseph Boutoré, leur a dit que la réponse n'est pas satisfaisante. C'est vrai, des radios ont été rouvertes et fonctionnent. Et vous demandez qu'en est-il aux autres. Il y a d'autres qui ont posé cette question. J'aimerais vous demander d'abord pardon, puisque je ne vais pas vous donner une réponse satisfaisante. C'est une question qui concerne beaucoup de domaines de la vie du pays. Vous savez qu'il y a un conseil de la communication chargé des médias et qui ne dépend d'aucun ministère. Mais ce que nous connaissons est que la rouverture de ces radios est conditionnée par le respect de la loi régissant la presse. Il y a parmi ces médias ceux qui étaient dans des sanctions. Tout cela doit être réglé avant la réouverture. Il y a encore des questions sur certains médias en rapport avec ce qui s'est passé le 13 et le 14 mai l'année dernière. Mais aussi, les propriétaires de ces radios doivent mettre en avant dans leur métier le respect de la loi. Sans doute, ces médias peuvent être réouverts. Vous saurez qu'il y a plus d'une année et trois mois que ces médias sont fermés. Seuls, la radio Isanganiro et Rema FM ont été réouvertes. Célestin Blaise Ndéokougaïo, le ministre chargé des affaires de la communauté est-africaine, était ce vendredi l'invité du Sénat pour répondre aux questions relatives à la récente résolution condamnant l'assassinat de Hafsa Mossi, qui a été adoptée par l'Assemblée législative de la dite communauté. Cette résolution dit qu'il y a au Burundi des violations graves des droits de l'homme, ce que rejette le ministre Léontine Nzeyimana. Certains sénateurs ont demandé la mise en œuvre des mécanismes de destitution de certains députés qui ne soutiennent, estime-t-il, plus le Burundi dans l'adoption de ces textes. Aubin Léoncourt. Cette résolution de l'EALA condamnant l'assassinat de l'honorable Hafsa Mossi a été adopté le 21 juillet. Il reconnaît qu'il y a au Burundi des violations graves des droits de l'homme à travers ses dispositions. Le ministre chargé des affaires de la communauté est-africaine indique que le rapport sorti après la plénière des députés de l'EALA contient des erreurs. Ce que je peux vous dire, le contenu qu'on nous a amené dans le débat de la plénière est le contraire de ce qui a été dit dans la plénière. Ils ont transformé le contenu. Une autre chose à signaler, c'est que le ministre de la communauté est-africaine et tous les autres cinq pays, nous sommes tous membres de l'EALA. Nous participons, mais nous ne pouvons pas élire. La sénatrice Victoire Nahimana demande que soient destitués les députés burundais de l'EALA qui ne défendent plus les intérêts du pays. Au cas où notre mandataire ne défend plus l'intérêt du pays, comment pourrions-nous procéder pour le changement? Il faut voir dans la législation de la communauté est-africaine comment intégrer le mécanisme de contrôle pour que celui ou celle qui ne défend plus les intérêts du pays soit remplacé. Au cas où nos mandataires seraient vigilants, ils devraient nous aider en vue de plaider pour le changement. Le ministre Léontine Nzeyimana fait savoir qu'ils ont tenté, mais sans succès. Pour elle, les députés font des lois qui les protègent. Nous avons essayé. Ce sont les parlementaires qui élaborent les lois. Et ce sont ces lois qui les protègent. On a essayé, mais les lois sont des lois. À cela, peut-être bientôt, ils vont terminer leur mandat au mois de juillet. J'espère que les choses vont changer. Léontine Nzeyimana a aussi souligné que les députés de l'EALA ont déjà été invités pour s'enquérir de la situation sécuritaire du Burundi, mais qu'ils n'ont pas encore répondu à l'invitation. Merci, Aubin Niyonguro. Une pause et ce journal se poursuit. Captez Isanganilo, écoutez la différence. La Maison du Bon Samaritain, en collaboration avec Emergency, une ONG italienne, et la Société burundaise de cardiologie, sont en train de dépister des personnes souffrant de maladies cardiaques au stade d'être opérées. Et elles pourront être opérées gratuitement au cours de l'année 2017. Depuis lundi de cette semaine, l'on a déjà identifié 38 malades, 27 en mairie de Bujumbura et 11 en province d'Ngozi. Les détails avec Evrard Havzariman. Une association sans but lucratif Bon Samaritain, en collaboration avec une ONG italienne et les médecins cardiologues, sont en train de revoir de nouveaux cas qui sont compris entre 0 et 60 ans qui seront opérés gratuitement l'an prochain. Les patients qui arrivent à un niveau d'être opérés est au nombre de 40, 27 en mairie de Bujumbura et 13 en province d'Ngozi. Un de ces patients qui est sur la liste de ceux qui seront opérés, âgé de 29 ans et qui vient de passer 20 ans en s'injectant une piqûre pour diminuer sa douleur, garde de l'espoir qu'elle va enfin guérir et remercie les bonnes actions du Bon Samaritain. En première, je souffrais de l'angine. Après, ça se répète dans 3 jours. Ça passe, ça se répète encore une fois. Après cela, ils ont constaté que le cœur bat à très haut niveau. Ils m'ont trouvé le cœur gonflé. Ils m'avaient mis en seringue. Je m'y attendais à cette opération car ceux qui ont été déjà opérés, ils témoignent qu'ils étaient guéris. Moi aussi, j'ai l'espoir que je serai guéri. Rappelons que la Maison Bon Samaritain a déjà aidé les patients souffrant d'une maladie cardiaque atteints à un niveau d'être opérés, qui sont au nombre de 38 et ils le font gratuitement. Evrard Havzariman, stagiaire à notre station. Grogne des habitants du chef-lieu de la province de Ngozi suite à la pénurie d'eau qui peut durer jusqu'à 4 jours dans certains quartiers. La Régie des eaux explique que ce manque d'eau est dû à une forte demande des consommateurs, qu'elle ne peut pas satisfaire en l'état actuel des installations de distribution d'eau. Elle tranquillise et promet que cette situation pourra être résolue sous peu. Correspondance d'Apollinaire Muzagara de Pingosi. Dans certains quartiers comme Ouremera, Rouillet et autres, les habitants disent qu'ils passent 4 jours sans avoir aucune goutte d'eau. Des fois, l'eau se revient pendant la nuit et ne dure même pas une heure. Ceux qui ont la chance d'être à ce moment, faisaient quelques sauts d'eau. D'autres qui sont dans un profond sommeil, ce sont les conducteurs de taxi et l'eau qui en profitent. Ils puisaient de l'eau aux bornes fontaines se trouvant dans les marais à raison de 500 francs en bidon de 20 litres. Ce qui étonne plus d'un, c'est que là aussi, on leur exige une contribution de 500 francs pour pouvoir s'approvisionner. Cette somme est perçue par les chefs de colline, ménage par ménage et annuellement. Elle sert, selon la régie du communal de l'eau, à entretenir les verres, bornes, fontaines, en cas de panne ou à assainir le milieu environnant. La régie des eaux tranquillise que ce problème de pénurie d'eau en Ngozi sera prochainement résolu. L'entreprise de Solidia Factum spécialisée en construction de routes a déjà entamé les travaux d'addiction d'eau en quantité suffisante dans tous les quartiers de Ngozi et même dans les milieux environnants, nous dit un des employés de cette société de Ngozi, Afone Muzagara Radio. Merci Apollinaire et à Gitega. La boulangerie centrale de Gitega a pris feu la nuit de ce jeudi à vendredi. La partie la plus endommagée est celle habitée par les sœurs. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes humaines puisque les sapeurs-pompiers sont vite intervenus. Par contre, l'on enregistre beaucoup de dégâts matériels, surtout des mobiliers partis en fumée. D'après la régie des eaux, un court-circuit est à l'origine de l'incendie. Radio Isanganiro Chronique. Thank you. On parle du phénomène de climatique, la Nina, qui ne peut pas perturber la période d'été que vit le Burundi en ces jours. L'expert Godefroy Nshimirimana, responsable du service des prévisions météorologiques au sein de l'IGBU, explique que les signes de ce phénomène climatique se manifestent à travers un ensoleillement inhabituel, mais pendant la période des pluies. Il appelle notamment les cultivateurs à s'atteler aux cultures qui résistent au soleil. Les précisions dans cette chronique environnementale que nous présente Léonce Vitalio. Comme l'indique Godefroy Nshimirimana, le phénomène La Nina est caractérisé par un déficit pluviométrique dû aux températures de surface de la mer qui s'observe sur la partie ouest de l'océan Pacifique. Le Burundi se trouve dans la région qui peut être touchée par le phénomène. Selon l'expert Nshimirimana, ce phénomène est en phase de naissance, il n'y a pas encore à paniquer. La Nina est en phase de naissance, je peux dire, et donc ça va se développer au cours de la saison, mais les premières manifestations, on peut les prévoir autour du mois de novembre et décembre. Pour le moment, il ne faut pas que les gens paniquent, il ne faut pas que les gens se mettent en tête qu'il y aura des périodes de canicule, non. Godefroy Nshimirimana a fait savoir que le Burundi vit aujourd'hui l'été normal jusqu'au début du mois de septembre. Et s'il advenait que le phénomène La Nina se déclare dans l'avenir, les conséquences ne manquent que pas, le secteur de l'agriculture et de l'élevage figure parmi les plus touchés. Normalement, quand il y a déficit pluviométrique, les conséquences n'en manquent pas. Le secteur qui sera plus touché, en cas de la Nina, c'est le secteur de l'agriculture, de l'élevage. Et à cela, donc, vous comprendrez qu'il y a, quand il y a déficit de la pluviométrie, il y a automatiquement déficit de la production. Il y a la réduction de la production. Mais aussi, quand il y a ce problème de production agricole, ça conduit aussi à des cas de maladies de malnutrition. Et donc, si vous comprenez que le secteur de santé aussi ne sera pas épargné. Godefroy Nshimirimana appelle la population à bien conserver les récoltes, mais aussi à s'atteler notamment aux cultures des marais qui résistent au soleil. On conseille toujours à la population de bien gérer d'une façon rationnelle les récoltes et aussi cultiver les marais et aussi pour bénéficier cette humidité ou bien cette eau des marais. Aussi, il faut que les moniteurs agricoles ou bien les services en charge de l'agriculture et de l'élevage dans les provinces ou bien dans les communes puissent encadrer la population pour s'adapter et aussi pratiquer des méthodes ou bien des mécanismes d'irrigation là où c'est possible, mais aussi d'utiliser les semences à courte durée de maturité pour parer au cas de ces périodes de sécheresse. Le phénomène La Nina, caractérisé par le déficit pluviométrique, c'est l'opposé de celui d'El Nino qui, à son tour, est caractérisé par de fortes pluies, souvent à l'origine des inondations. Merci Léon. C'est pour terminer ce journal. Je vous en rappelle la charpente. Une rafle policière a eu lieu ce matin au centre-ville de Bujumbura. La police anti-émeute ciblait des jeunes, des mendiants et des commerçants ambulants qui étaient dans différents coins de la ville. Pas d'explication pour l'instant de la police sur les motifs de cette opération. Les Reporters sans frontières demandent au président de la République d'user de ses pouvoirs pour que le journaliste Jean-Louis Guilimana soit retrouvé, alors que les recherches se concentrent sur les corps sans vie retrouvés et repêchés ce jeudi de la rivière Mouararzi en Provence et Mouranvia, non loin de l'endroit où notre confrère du groupe de presse Iwachu et Info Grand Lac a été enlevé, selon des sources concordantes. Et le deuxième vice-président de la République n'a pas donné de réponse concrète aux parlementaires sur la question de la réouverture des médias fermés depuis plus d'une année. Joseph Boutoré présentait hier les réalisations des ministères de son ressort pour le premier semestre 2016. C'était à Kigobe devant les deux chambres du Parlement réunies. Et les sénateurs burundais demandent la destitution de certains élus siégeant à l'Assemblée de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est. Ils estiment que ces députés ne représentent plus les intérêts de leur pays au sein de l'EALA. Cette requête fait suite à la résolution de ce Parlement condamnant la mort du député Afsa Mossi et faisant état de la violation grave des droits de l'homme au Burundi. Merci à vous tous qui avez suivi ce journal mis en onde par Albert Ndouayo. Au micro, Jean-Bosco Nduimana, une très bonne soirée.